بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الرابع عشرون 24e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pour la dernière fois, les piles ont coupé sur nous. Hein. C'était au DERS. Tadrib Kam. C'était le Rabia. Tadrib Rabia. Quand ça a coupé sur nous, c'était Rabia. C'était le fait d'employer ces mots dans les phrases sensées. Et on avait pris jusque à Yukasi, non? C'est le Qutr. Qutr, c'était à Qutr. تفضل استعمل كلمة قطر في الجملة المفيدة. سهل التطور الاتصال مع الآخرين في كل قطر. سهل التطور الاتصال مع الآخرين في كل قطر. سهل التطور الاتصال بالآخرين. أيوة في كل قطر. تحسين تحسين التطور الاكتشاف بعض المرض بعض الامراض عيد تحسين تحسين التطور يكتشف بعض الامراض تتمو كامو. Là, il faudrait dire Tarsin et Tatawur Sebaboun Iktishef Badan Amrad. L'amélioration de l'évolution est une cause de découverte de maladies. Akada, Akrab. Tarsin et Tatawur Sebaboun Iktishef Badan Amrad. Ça va? يقاسي لقد راح الإنسان من بعض كان يقاسي عيد نطبع إذا اللي بتوافق كل صون لاجه نطبع بيون عبر شو كرب شوية فارفع صوتك حتى أسمع. لقد راحت الإنسان من بعض ما كان يقاسي. لقد أراحت ماذا؟ أراحت الإنسان. J'ai pas compris. La code arahat. Ma. C'est ça que ouais, ça m'avait fait. Et le fa'il. C'est quoi le fa'il aussi? Le fa'il, c'est l'insan. Bah, kif t'koul arahat. Voyante. L'insan mouzakkar. L'insan mouzakkar. Moufrad. Min en kharajat. Adit ta. Voyante. Au fial. C'est le fa'il, c'est l'insan. Je crois que tu as du mal à comprendre ou tu as dû oublier un élément. C'est laquelle la phrase? Car ce tel dans le fi'l revient à une chose. Aïwa. C'est quoi la phrase dans un paragraphe? إن فوائد الصناعة كثيرة لا تعد. لقد أراحت راحت الصناعة. Ça vient au début de la phrase. Dans ta phrase, il n'y a pas. الإنسان c'est مفعول به. الإنسان c'est مفعول به. لقد راح لقد راحت الصناعة الإنسان. وماذا؟ من بعض ما كان مفاسيه. طيب الثورة الصناعية la révolution industrielle. Allez va. C'est Thoura. Thoura al-Insaniya. Thoura al-Insaniya. Al-Sunaïa, la femme. Thoura al-Sunaïa, fiha khayr wa shar. Non. انقطع. إنما طلب منك أن تأتي بجمل مفيدة. بس. ماش تريد أن تكون الجمل من النص. بان كونديسيون. إذا انقطع الإسناد ضعف الحديث. ضعف الحديث. ضعف على وزن فاعل. تاسعا حل. ما معنى حل؟ اخذ المكان. نعم رمبلاسي. حل الانسان التباخل تباخته فشد بالغاز. لا ما يقال لك هذا. لا صوت بدل لو في الاوتيليزي الان توفر تجيز حلت التباخ بالغاز. طيب مكان او محل تباعه بالحطب. que la cuisine par gaz a pris la place de la cuisine au feu de bois. Ce que tu dis l'insane, en fait c'est l'insane qui a remplacé. Là c'est plus halla, là c'est badda, là faut que tu utilises. تطبع. حل تطبع الخشب. ماذا؟ تتبع. تتبع العالم التطور لتحسينه. لتحسين حاله. القدم. الإنسان منذ قدام يفكرون ويعملوا الليل والنهار. الإنسان منذ القدام. منذ ولا يا قدام سي انسيان سي ان طون. نعم مي سي سوبا. كيف يستعمل منذ قدام سي با ان طون معين با ديفيني. خلاص من زمن قدام يفكرون ويعملون ليل ونهار. يفكروا كيف يعملوا. يفكروا ها. وكيف يتقدم ليلا ونهارا. ثم بدائية. شو بس بدائية وبدائية. ايه ديز. Il y a les deux là, il y a écrit Bada'iya. Hal wa dham ou fatha. Même là, il y a, dans le lexique, il y a écrit Bada'iya. Peut-être les deux. Là, ou khata ou là, là, ou. La colline, tfadal. كبير بين أحوال الحاضرة وحلبة بدائية. بين ماذا؟ الأحوال ظاهرة حاضرة. الحاضرة. الحاضرة أيوة. وحل. والأحوال. آه البدائية؟ لو قلت يظهر الفرق بين الأحوال الحديثة والأحوال البدائية. Parce que dans les hadiras, t'as des gens, ils ont encore du boudaïa. Même dans l'actuel, il y a des gens, ils ont des choses qu'ils utilisent qui sont anciennes, rudimentaires. Donc toi, compare bien entre les choses modernes, les choses évoluées et les choses anciennes. Ana, ana yu'ani, ana qasa yuqasi. Vas-y, lis ce que t'as écrit en corrigeant. طيب المراكيب الشراعية يعني يباتوا أفوال الزباقاسيون أفوال توكل المراكب الشراعية بعاد خفيفة. ما فهمت. الإيفولوشن دي باتو أفوال. كوا الفيرب تاجي أون بروميير؟ توكل. توكل. توكل. تكون تكون تطور تطور المراكب الشراعية بعاد خفيفة. ايش بعاد؟ ميتال رطوب خفيف. Je pense que les bateaux d'avant ils sont plus lourds que les bateaux de maintenant pour gagner de la vitesse. Eh, c'est Hadid. Hadid, c'est pas métaux, frère. Hadid. Hadid, c'est quoi alors? Matériau. Hein? Hadid. Matériau. Où Hadid? Mouhadid. Ah. Mouhadid. Métaux. C'est pas Aadin. Aadin, c'est dire normal. Vas-y, refais ta phrase. Reformule ta phrase. تكون ال تطورت تطورت تطورت المراكب الشراعية وعادين معادن خفيف أو بمعادن قوي لا أحسن تقول تخففت المراكب الشراعية أو تصنع الآن fabriquer maintenant des métaux légers. اجتهاد لا نتيجة بدون اجتهاد. اعتماد بدل الإنسان الاعتماد الاعتماد العقلية بالاعتماد الجسمي بالاعتماد العقلي. تمام. التدريب الخامس، اسأل 4 أسئلة حول النص الذي درسته. 4 questions à propos du texte que tu étudies. شهد العالم. شهد العالم. ما شهد العالم؟ نعم. ثانيا، هل تطور الصناعية تحتاج الاجتهاد؟ ما هي فوائد الاجتهاد الصناعية؟ الصناعة. La fabrication, c'est pas sinaïa, c'est sinaïa. La sinaïa, ce serait l'industrie. Sinaïa serait industriel. Est-ce que l'homme peut découvrir le sol de la lune? Le jawab? Là? Allah alam. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Bismillah. Il peut, si Allah lui accorde. Mais est-ce qu'il l'a fait déjà? Non. C'est ça en fait l'histoire, tu vois. Mais maintenant qu'il y aille, on ne peut pas dire non, il ne peut pas le faire. Il dit qu'Adder Allah ou Laou Zalik, fa'al. Si Allah lui accorde de le faire, il pourra le faire. Mais jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. Non. Al-Khamis. Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyu kasb anfa'. Qala, amalu le rajul biyadi. Tahaddath il majmu'ati min asdiqa'iq. وحثهم على الكسب الحلال مستعينا بالحديث فماذا تقول؟ Que le prophète صلى الله عليه وسلم a été interrogé, quel est le meilleur des travaux, le gagne-pain? Il dit le travail de ses propres mains, que l'homme travaille de ses propres mains. Donc il dit, toi tu discutes avec un groupe de tes amis et tu les encourages à obtenir un gagne-pain halal en t'aidant du hadith, qu'est-ce que tu leur dis? نفضل تطور الكمبيوتر الالكترونيكا، نريد الكسب بالراحة. ترجم تخلي اسكت تايكري فلاش غادي دونك لو فيت تراي سي ما سي parmi les exemples, le fait d'être chaudronnier ou bien de faire l'agriculture, ou bien ce qui leur ressemble, et ils m'ont répondu, oui on sait, là qui on préfère les aujourd'hui le ramel, il est ce ramel que tu nous donnes, il est fatigant. Et nous, on préfère l'évolution qui donne un profit sans fatigue. Comme je veux dire, Et dans ce qui touche à l'informatique, c'est autre chose. Voilà, tu as dit Kayed que la fatigue, elle est fatigue physique. Que l'artisanat que tu as exposé, là, le fait de travailler dans l'artisanat, l'agriculture, ce genre de choses, c'est un travail qui est éprouvant pour le corps. Eh ben, même quelqu'un qui est informaticien, c'est fatigant. Ça fatigue. On peut pas croire que c'est reposant. Ceux qui bossent là, qui est informaticien, qui fait un gros boulot, attention, il faut réfléchir, ça fatigue grave. C'est pas la même fatigue, tu vois. Là, c'est une fatigue plus, on va dire, il y a plus, parce que celui qui, par exemple, qui fait l'agriculture, il a moins à réfléchir. Son travail, il est calculé, mais celui qui fait encore le computer, il doit calculer, il doit à casa, c'est pas le même domaine. Ne néglige pas le travail des gens qui travaillent sur ce genre de domaine, car c'est fatigant aussi pour eux. Mais, comme tu as dit, tu en as peut-être qui ils ont pas envie, par exemple, d'avoir fatigué leur corps, parce que... Et puis aujourd'hui, l'agriculture, il y a plein d'outils qui font que le travail est plus reposant aussi que par rapport à avant. Aujourd'hui, il y a plein de machines. Hein. Aujourd'hui, dans les fermes, c'est pas comme avant. C'est pas, il vient avec sa bêche là, puis il va sur son terrain, il met les graines, c'est fini ça. Maintenant c'est tracteur, c'est machine, c'est. Attention, ça évolue aussi. Je me souviens, c'est plus électrotech. Je préférais pas de l'électrotech. Parce que c'est moins fatigant pour le corps. C'est moins sale. Hein? C'est moins sale. Ouais, mais bon, la terre à la base c'est pur, donc l'agriculteur il est pas sale. Tu vois? Ah bah le café, que ce soit électrotech ou agriculture, il est sale tout le temps à la base. Quoi qu'il fasse, il est sale de toute façon, tu vois. C'est quelqu'un, quand il va au hammam, il n'y a pas de sunja, il n'y a pas de... C'est quelqu'un, il est sale à la base, quoi qu'il fasse. Mais l'agriculture en soi, c'est pas un métier sale. C'est la terre c'est pur. La terre c'est pur. De quoi avons-nous été créés? Une thé. Ah. En tout cas, non, mais je crois que tu voulais en venir. Taïeb. De toute façon, le casse-laine, que ce soit sur l'ordinateur ou sur un tracteur, ça casse-laine. Il ne faut pas qu'il se voile la face. Tu peux le mettre devant un PC, tu peux le mettre devant un tracteur, devant une bêche, devant ce que tu veux, à casse-laine, ça casse-laine. Et un mouchtahid, c'est mouchtahid. Après, chacun est moins fort pour un domaine. T'en es sont plus forts par rapport à ça et d'autres par rapport à ça. Il faut tout, tu vois. On a besoin de. Parce que même l'agriculture aujourd'hui, ils servent de l'ordinateur. Hein. Dans l'agriculture aujourd'hui, ils servent d'ordinateur. Toutes les machines là qui sont conçus pour pouvoir... comment c'est fabriqué d'après toi? Même les calculs, tout ça, les rentes, c'est fait par ordinateur. Hein. Même dans la ferme, dans le fermier, aujourd'hui, il a un PC. Hein. C'est pas quoi. Hein. C'est-à-dire maintenant, il fait les deux. Il va sur son terrain et il va dans son bureau. C'est pas quoi. Aujourd'hui, l'informatique, tu n'y échappes pas. C'est un truc dans quasiment tout ce que tu fais, tu n'y échappes pas. C'est devenu un outil indispensable. Un ordinateur, ce que tu fais aujourd'hui pour les calculs et tout, les programmes qu'ils font pour faciliter et tout, c'est devenu un outil indispensable. Bon. Même dans la DAO aujourd'hui, on s'en sert. Dans le DIN, on s'en sert. L'ordinateur. Pour te dire. S'il est bien utilisé, machallah, fi khayr kathir. Mais s'il est utilisé à la char, ça c'est autre chose. Tout ce qu'ils font, kulluché bi hasbi istirmali. Ça sert à bien comment tu l'utilises. Ça va bien comment tu l'utilises. طيب. التدريب السادس. أجيب عن الأسئلة التالية. Réponds aux questions suivantes. أين صنعت الملابس التي تلبسها? Où est-il fabriqué le vêtement que tu portes? صنعت في الصين. Hein? صنعت في الصين. صنعت في الصين. Fabriqué en Chine. هل اشتركت الآلة في صناعتها أو هي صناعة يدوية؟ Attends. Attends. Elle est Est-ce qu'elle a été fabriquée avec des outils, des matériaux ou quoi, enfin des avec des appareils ou quoi, ou alors c'était à la main? Est-ce que c'est manuel? Hein? Non. Min ay mawad suniat? De quelle matière? En coton. Min ayna yatimu al-husul ala tilka al-mawad? D'où s'obtient ces matières? D'où s'obtiennent ces matières? Soit en Inde, soit en Chine. Elle qui a les coulimines, al mazari, wal amil, wal khayyat, wal tajir, dourun fi sinaatiha, wal diha za dour. Est-ce que les champs d'agriculture, les ouvriers, le couturier et le commerçant ont une part dans la fabrication, c'est-à-dire de ces vêtements? Si oui, explique. الخيط الخيط بعض القماش والعمل ينقل بالترتيب ترتيب صحيح كم وصف المزاريع سي كوا ديجا لا بار دي مزاريع باجي كومونسي بار سكي يوتيليزي سكي سكي كونتريبيو او ريزولتا اي لا لو ريست justement lui t'a facilité, t'a mis l'ordre. Si je suis l'offre qu'il a mis là, خلاص, la réponse est très facile. Et le coton, min ayna yukhaz? Le coton d'où on le prend? De mazaria. Qui le prend, le coton? Qui est-ce qui le cueille? Un amil. Après, qui est-ce qui confectionne avec le coton, le tissu? Le khayyat. Et par la suite, qui est-ce qui le vend? Le tajir. Hada wa kaz de souel. Le mazaria, je ne l'ai pas fait rentrer le temps. هذا هو قصده. خلي السابع نبسط الثامن. السابع خليه نسله السابع في الثامن والتاسع. يقول وضح كيف تساعد العوامل التالية في نجاح الصناعة. ça ressemble à l'autre exercice. Donc explique comment ces moyens suivants contribuent à la réussite de l'industrie. Al-mal, al-aidi, al-amila, c'est-à-dire la main-d'œuvre, al-muasalatu, wa-turuq, c'est-à-dire les moyens de transport, ainsi que les routes, wa-souq, le lieu de commerce. Comment contribue à la réussite de l'industrie? Al-tajribat, al-tlubul mal-kasi, kafir, wa-l-amal. والأيدي العاملة لمدرب. والعمل. بس ما خلوا صعبت التجربات. يطلبوا المال كثير والعمل والأيدي عملية. العاملة. العاملة. وسويت وسهل. جبا كم قوي؟ وسكت تلمي الأيدي العاملة. avec avec avec le l'argent ça compte ça compte ça la main d'œuvre coûte de l'argent. Ah non, tu parlais de... La main d'œuvre, elle sert à quoi? La scénaria. La scénaria. La scénaria. Mais l'aïdil... La amira, la main d'œuvre, elle sert à quoi? La confection. Ah. Wassahal al-nas, mouassalat kathira, kathira. Et le mouassalat, c'est quoi qu'elles font? Hein? Le mouassalat ou le... والطرق طيب en quoi contribue المواصلات والطرق تسهل الانسان تسهل المواصلات تسهل Toi tu veux dire le ashala yushiru, c'est ça que tu veux dire? Non. Dans quoi justement? T'as pas répondu à la question. Dans le tout ça. Dans quoi le facilite? Dans l'acheminement des. Dans le transport. Dans le transport. Le يعني تسهل المواصلات والطرق في نقل الصناعة والبضائع. زك وجه. والسوق. وتوجد أنواع مختلفة من الملابس في انتشار السوق في صناعة السوق. نعم. للبيع في السوق. Le B ou le Shira, ou la vente et l'achat en lieu de commerce. Alors, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dans le texte, dans les phrases suivantes. كتبت وجدت تخبطت سهل on est là pour apprendre donc si on se trompe on corrige c'est tout لين عقل الكتروني لين t'as dit quoi لين ماذا j'ai pas compris عقل لين عقل J'ai... Je crois que c'était ça. C'est pas un verbe. Ah, c'est là où c'est un verbe. Bah, l'en. Il y a l'en devant. Harf al-nazm. Ou un affiou stikbel. Ça rentre que dans les afal. J'ai besoin que ce soit. Attaché au verbe tout de suite. Non. Là, c'est quoi qu'ils veulent? Len yahulla electroni mahma zada et tatawur mathalen an juhud al-insan. Que l'électronique ne reprendra jamais la place des efforts humains, quelle que soit l'évolution. Aza kazdou. لأن الذي يمد بالمعلومات هو الإنسان. Car celui qui avance avec les connaissances, c'est l'homme. هذا كلام صحيح. ويزاد بفضل الله. ثم يقول والإنسان إذا لم يجعل هذه الكشوف التي من وقت إلى آخر لخدمة الإنسانية وسعادتها ولطاعة الله والحصول على الرضا على رضاه فإنه أشد المقاسة وأشد المعاناة ويذل بهذه الخطوات التي لتدمير نفسه وتدمير الخضارة التي Là, tu vois, là, déjà, alhamdoulilah, cette partie-là, elle est bien plus moustakim que le nas. Là, ils ont le kalam sahih. Donc, il dit que si jamais l'homme ne met pas ses découvertes, celles qu'il. Al-lati. Là, j'ai marqué le tachabat. Al-lati. Hadarat. والإنسان إذا لم يجعل هذه الكشوف التي اكتشفها يصلح تلك التي اكتشفها من وقت إلى آخر de temps à autre les خدمات الإنسانية وسعرتها pour la, le service de l'humanité on va dire et son bien-être ولطاعة الله et pour l'obéissance d'Allah l'adoration d'Allah والحصول على رضاه et pour obtenir son agrément Finnahu. Vous trouvez quoi là? Finnahu. Tu l'as là? T'as un indice là? T'as un indice. La réponse elle est devant toi. Les deux la trou là, t'as la réponse devant toi. J'avais écrit Artimed, mais. Là, c'est pas Artimed. El Mukasa. C'est quoi le Mukasa? Ça vient de quel verbe? El Mu'ana. Aïe, ouais, khalas, c'est tout. Fennahu, Sayukasi. سيقاسي أشد المقاسة ويعاني أشد المعاناة بس لا سي يبال الverb qui correspond مصدر لا تدني الانديس اللي عندي كيرا سيقاسي أشد مقاسة وسيعاني أشد المعاناة فتو Tu remets le verbe qui correspond au masdar et c'est deux verbes qu'on a pris dans le texte, deux verbes nouveaux. Qui va trouver les plus grandes difficultés et les plus grandes peines. Ada wa kazd. Les plus grandes difficultés et les plus grandes peines. Wa yadhallu. Tu as trouvé quoi là? Déjà, quand j'ai parti cette phrase-là, ça reste fini. Ayudullu al-tatawwur. Ma adri. Al-yunasib amla. Salam alaikum. Alors là, même moi, je sais pas quel mot mettre là. Ou il continue ou il perdure à être par ses avancées, celles qui Oh là là. Attends. Attends. Oui, Zillo. J'abandonne. Je vois pas les mots qui correspondent là. En fait, en tout cas, ce qui va amener à faire comprendre, c'est que s'il ne met pas cette évolution et ce travail au service du bien-être et au bon espoir de l'humanité et dans l'obéissance d'Allah, que cela lui causera des torts. Wa sadaq. Hadha khulasa ma qad dhakarna fi al-dars al-awwal. Yani fi al-dars al-awwal ani min hadhihi al-wahda. Naam. Khalas. Andak sawal? لا طيب فسرقت في بهذا ونقول الحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com